Where we left off yesterday was that in the course of the practice, the yogi develops five powers. The power of aiming, the mind, the power of effort, of sati, or awareness, of concentration. And from this, knowledge develops. Nous avons hier terminé en expliquant les cinq pouvoirs, viser l'esprit, l'effort, sati, ou attention, conscience, et quand ceux-là sont développés, alors va apparaître la connaissance. Au moment où apparaît l'objet et il survient, nous appliquons l'effort et nous observons de façon ininterrompue. Quel est notre champ d'observation? C'est tout le corps. C'est le moment de voir, d'entendre, de sentir les odeurs, de goûter, de toucher, etc. C'est les moments de soulèvement, d'abaissement, d'être assis, de toucher, de se pencher, de placer, etc. Tous ces différents objets. Ces objets d'observation sont un peu comme un terrain cultivé. Et quand on l'observe, nous voyons une partie où on a planté une culture, une autre culture sur une autre partie, etc. Et donc, de la même façon, les objets observés sont observés à leur propre temps, soi-disant. Et nous devons observer l'objet qui survient au moment où il survient. Et pour cela, nous devons utiliser l'effort d'un côté et de l'autre côté de viser, ça veut dire mettre notre esprit sur le point focal. C'est la seule tâche de yogi que yogi doit accomplir. C'est l'effort qui place l'esprit sur l'objet. Sans l'effort, notre esprit sera paresseux, trop détendu, indolent, et c'est l'effort qui nous permet d'être libre de la paresse. La qualité de viser, ça fait fleurir l'esprit. Sans cela, l'esprit se rétrécit et devient froid. Sans viser, l'esprit est comme du beurre froid. Il est difficile de le modeler. Quand nous visons l'objet, alors il va fleurir. Il ne sera pas, il sera vif et il va apparaître, l'esprit va apparaître au moment où apparaît l'objet. Nous suivons les instructions d'observer. Nous observons quoi? Nous observons le soulèvement et l'abaissement. Nous observons notre objet principal et ça peut être le soulèvement, l'abaissement. Mais ça peut être aussi d'autres objets. Mais à l'étape initiale de notre pratique, quand l'esprit n'est pas encore purifié, il y aura des pensées vagabondes. C'est des pensées de désir sensuel. Ça apparaît entre les deux observations de soulèvement et d'abaissement. Et ce ne sont pas que des pensées de désir sensuel, c'est juste différentes pensées vagabondes. Et parfois, le yogi note ses pensées vagabondes, parfois il ne le fait pas, et parfois il les note seulement après, pas au moment où ses pensées apparaissent, parce que la concentration momentanée est encore tendre et faible. Et ces pensées vagabondes vont empêcher l'esprit à l'esprit la connaissance. Et c'est pour cela on peut les appeler les pensées qui empêchent, les pensées tirées empêchement. Le yogi doit tout simplement observer les objets qui apparaissent. Et ça, c'est la façon, la direction où aller. Et si le yogi continue à le faire, les deux facteurs vont se développer. Ces deux facteurs sont l'effort et viser. Et ça, c'est les bienfaits immédiats de la pratique. Quand il y a les qualités de l'effort et de viser, apparaît l'attention qui colle à l'objet, qui est rassemblée sur l'objet. Et à ce moment-là, la conscience, être conscient, va apparaître, qui apparaît grâce à l'effort et au fait de viser, d'observer. De viser l'esprit. Et quand la présence, la conscience continue d'être conscient, continue, l'esprit est gardé des souillures, comme la colère par exemple, et ça, c'est un peu comme le blocus, donc l'esprit est bloqué, l'esprit est protégé contre les souillures. Et quand il est protégé de cette façon, indigué, on peut dire, il est en sécurité. Et quand il est en sécurité, il est libre de l'oppression des souillures. Et quand il est libre, quand il y a la liberté, alors apparaît la paix. Et quand le sati, l'attention colle à l'esprit, l'esprit va rester avec l'objet et il va pas s'enfuir. Il va rester sur l'objet. Il va être rassemblé sur l'objet. Et ce fait que l'esprit est rassemblé sur l'objet, c'est ce qu'on appelle la concentration. Donc, quand apparaît l'attention, sati, à ce moment-là, la concentration va apparaître sans aucun doute. Et le yogi n'a pas besoin de spécialement créer la concentration. Elle va apparaître naturellement à travers l'attention, le sati. À ce moment-là, il n'y aura pas de séparation entre l'esprit et l'objet. Les pensées vagabondes vont apparaître juste de temps à autre. Et à ce moment-là, le yogi va les reconnaître instantanément au moment où ces pensées distrayantes apparaissent ou tout de suite après. Et à ce moment-là, les pensées vont disparaître et ne vont pas revenir. Et le yogi à ce moment-là reviendra à l'objet et il va continuer à noter l'objet principal. Et quand on développe la concentration, l'esprit ne tombera jamais dans les distractions. Il ne sera pas dispersé. Et comme il ne sera pas dispersé à ce moment-là, on ne va pas expérimenter ni l'agitation, ni le regret, ni regret d'avoir fait des choses nuisibles ou de ne pas avoir fait les choses bénéfiques. À ce moment-là, quand la concentration est là, il n'y n'y a pas de chance pour ces deux Nivaravarana d'apparaître. L'esprit tombe dans l'objet, sur l'objet, et ces deux-là, ces deux défauts sont éliminés. En fait, comme nous avons entendu les deux dernières soirées, avec la concentration, n'apparaîtra ni avidité, ni la colère. En fait, ces obstacles vont être éliminés par la concentration. Et dans un moment quand nous notons, de notation, va apparaître l'énergie ardente qui va faire disparaître la froide indolence paresseuse, avec un visant vitaka, ça va augmenter l'énergie de l'esprit, et avec le sati va protéger notre esprit des souillures qui pourraient entrer dans notre esprit. Quand l'esprit tombe de façon rassemblée sur l'objet, il n'y aura ni remords, ni l'esprit dispersé. Chaque fois que nous observons l'objet apparent, vont apparaître les bienfaits immédiats de cela, l'esprit pur. Quand nous notons, quand nous connaissons sans interruption, quand ces moments continuent avec chaque objet que nous observons, c'est ça ce que nous devons développer, la continuité des moments de concentration que nous devons développer en lien avec l'objet. Cette conscience, en français, est appelée l'esprit méditatif. En pali, c'est bhavana. Nous connaissons ce mot bhavana dans la méditation metta bhavana. C'est l'esprit, c'est le développement des qualités telles que l'effort, l'attention et la concentration. Quand nous avons les trois qualités, l'effort, l'attention et la concentration, l'esprit à ce moment est pur. Comment nous connaissons en méditation? En général, nous commençons par la réalité conceptuelle. Et quand il y a cette activité conceptuelle, la vraie nature va être submergé par les concepts. Alors cette réalité conceptuelle, c'est en lien avec le corps. Par exemple, si nous observons le corps, nous allons voir les bras, les jambes, le tronc, et dans notre esprit va apparaître le concept forme. Et quand nous accomplissons des actions, par exemple chercher quelque chose, tenir quelque chose, va apparaître les concepts en lien avec la manière. Nous fermons quelque chose, nous plions quelque chose, etc. Et l'effort que nous devons faire, c'est d'observer ce qui est vraiment là et non et pas chez les autres, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous observons à l'intérieur? C'est la matière. Il y a quatre composants, les quatre briques, les grands éléments qui composent le corps, par exemple la dureté, la douceur, etc. Ça c'est l'élément terre. Par exemple, quand nous observons, nous expérimentons la partie quand on est en contact avec les os, alors c'est la dureté. quand nous observons, nous sommes en contact avec la chair, alors c'est la douceur. Et ceci, ces qualités, c'est ce qui existe véritablement. Ces qualités de douceur, dureté, etc. Et après, quand les choses sont solides, moites, humides, etc., ça, c'est l'élément eau. Ce qui est assez évident quand on transpire, quand on pleure, quand le nez court. Tout ça, c'est les exemples de quand l'élément eau est le plus évident, le plus fort. Après, il y a la chaleur, la légèreté, le froid, la tiédeur, et ça, c'est l'élément de température. On n'a pas besoin de chercher. En fait, le corps est plein de cela. Et après, il y a la rigidité, la tension, la vibration dans le corps, et ça, c'est la manière d'apparaître de l'air, de l'élément air. Ça, c'est les quatre éléments, la façon de voir le plus grossier, la plus grossière, et nous pouvons expérimenter tout cela quand nous plaçons notre attention sur le corps. Et après, dans le corps, il y a l'œil qui est capable de voir la forme, l'oreille qui est capable de capter, d'appréhender le son, le nez qui est capable d'appréhender les odeurs, la langue qui est capable de goûter, ressentir les goûts, et la base de corps qui perçoit les différentes formes de toucher. Et cette base de corps est répandue dans tout le corps. Alors les bases telles que l'œil, les oreilles, la langue, le nez, en fait, c'est assez évident. Tandis que la base de corps, c'est moins évident parce que ça peut être à l'extérieur, quand nous touchons quelque chose à l'extérieur, mais aussi en lien avec les sensations intérieures. C'est pour cela qu'il est cette dernière base n'est pas évidente. Et après, il y a les consciences, la conscience visuelle qui perçoit les formes, la conscience auditive qui perçoit les sons, la conscience gustative, la conscience de toucher. Et après, il y a aussi la conscience mentale. Et ça, c'est, par exemple, avoir des pensées ou faire des projets. Et il y a les différents objets qui rentrent en contact avec l'esprit. Cette capacité d'objet de rencontrer l'esprit, ça s'appelle le contact. Ça, c'est un des facteurs mentaux. Et après ça, grâce au contact, apparaît les sensations. Il y a trois, agréables, désagréables et neutres. Quand on rencontre un objet qui est bon, alors on va expérimenter la sensation agréable. Un mauvais objet va provoquer une sensation désagréable. Un objet neutre va provoquer une sensation qui n'est ni agréable ni désagréable. C'est un objet subtil, neutre. Et tout ça, ce qui était mentionné ici, ça, les contacts, ça, c'est, ça correspond à la catégorie de nama. Base sensorielle et les éléments, les quatre éléments, ça correspond à rupa, forme. Et ces deux, esprit et matière, apparaissent ensemble dans les petites actions, comme par exemple quand on ouvre les yeux ou on cligne des yeux. Pas besoin de regarder à l'extérieur, il suffit de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Il suffit de juste noter doux ou souple, collant. Pas besoin de faire plus que ça. Il suffit 2 minutes to note soft and sticky and so on. Yeah, there's no need to look for those types of things, Ah. and there. Pas besoin de chercher les qualités, la douceur, la qualité collante qui sont en lien avec les éléments. Il suffit juste de noter, d'observer ces processus, comme unité. Par exemple, soulèvement ou abaissement. Pour donner un exemple évident, de ce lien matière esprit, par exemple, je parle, je produis un son. Ce son entre dans l'oreille, stimule l'oreille et le yogi entend. Et nous notons ça comme écouter ou entendre. Nous appelons ça entendre, mais si on analyse, on va avoir, par exemple, dans l'oreille, il y a un élément qui est capable de capter. Dans le bouddhisme, cet élément est appelé l'élément récepteur. Et quand je parle, il y a des vagues sonores qui apparaissent de façon multiple en série. Et ceci touche notre oreille. Et là, on ne peut pas nier que ça existe. Quand apparaît le son, il va toucher l'oreille et il va apparaître dans la conscience de Yugi. Quand le son calme, pardon, quand le son vient, il va toucher l'oreille et le Yugi va entendre. Et donc va apparaître la conscience auditive. Et cette conscience auditive est appelée dans l'abhidhamma, étincelle. Quand le son et l'esprit se rencontrent dans l'oreille, il y a ce qu'on appelle le contact. Ça, c'est assez évident. Et quand il y a le contact, apparaît la sensation. Quand le son est bon, alors apparaît la sensation agréable. Quand le son est mauvais, la sensation désagréable, et quand c'est neutre, alors la sensation neutre. Et ça c'est appelé en pali Vedana. C'est ce que nous connaissons, ce terme, nous le connaissons en chantant Mahasatipatthana Sutta. Donc, dans ce processus, il y a la conscience auditive. Il y a le contact et la sensation. Donc, l'élément qui tape, comme on dit, l'élément qui percute, ça veut dire le son et l'oreille, ça c'est Rupa. Et la conscience qui perçoit, c'est Nama. Et tout ça apparaît clairement au moment d'entendre. Et toutes ces choses-là apparaissent à cause apparaissent sur la base des causes. L'oreille, par exemple, est capable d'entendre parce que il y a l'esprit, il y a le temps, la météo, voilà, il y a la condition de météo et il y a la nourriture. Et là, il y a aussi la cause racine, c'est le karma. Nous devrions comprendre que si quelque chose apparaît, ça n'apparaît pas sans cause. Par exemple, Si l'élément récepteur apparaît, il existe, apparaît à cause, sur la base des causes. Si le son apparaît, c'est parce que moi je parle. Et si je parle, c'est parce que j'ai dans mon esprit, il y a l'intention de parler. Ça, il n'y a pas de doute, tout ça existe, l'oreille, etc. Donc, quand nous observons tout ça en unité. Ça veut dire, nous observons le fait d'entendre comme une unité. Donc, nous notons à entendre. On n'a pas besoin de séparer, de diviser entendre en plusieurs parties. Mais à force de noter, d'observer beaucoup de fois, les parties vont apparaître de façon évidente. Il y a d'autres façons comment l'esprit et la matière peuvent être connus. Je vais prendre quelques instants pour expliquer comment apparaissent cet esprit, cette matière, quand nous observons le soulèvement et l'abaissement. Les guides essaient d'observer le soulèvement et l'abaissement à chaque fois que y a le soulèvement et l'abaissement en utilisant en visant et en appliquant l'effort. Quand on applique l'effort, les souillures ne vont pas apparaître. Quand on vise, ça fait fleurir l'esprit. Quand l'attention colle à l'objet, ça va protéger l'esprit. Quand l'esprit est rassemblé sur l'objet, il ne va pas se disperser. Et quand le guide note le soulèvement et l'abaissement, beaucoup de fois, l'esprit va au-delà de la forme, de la position, d'être gonflé ou dégonflé, et commence à voir la vraie nature. Quand l'esprit observe le soulèvement, quand il reconnaît la tension, donc il va noter tension. Quand il connaît l'étirement, il va noter l'étirement. Quand il connaît la raideur, il va noter raideur. Par exemple, quand l'esprit tombe en se connectant sur l'abaissement, il va reconnaître la qualité de la détente. Et quand il va tomber sur, et il perçoit l'objet qui est le soulèvement, il va reconnaître sa qualité. Quand le yogi est attentif, il va savoir que c'est l'esprit qui connaît, qui note. Et l'autre chose, c'est le mouvement. Donc l'esprit, c'est une chose et le mouvement, c'est l'autre chose, que ce soit pour le soulèvement ou pour l'abaissement. Le yogi va connaître que le soulèvement et l'abaissement, ce n'est pas la même chose, c'est les deux choses différentes. Et pourquoi apparaît le soulèvement? Parce qu'on inspire. Et pourquoi apparaît l'inspire? C'est parce qu'il y a l'intention d'inspirer. Et personne ne fait ne, ne, ne, ne provoque cette intention. Il n'y a pas quelqu'un à l'extérieur qui provoque cette intention. Tout simplement parce qu'il y a l'intention, nous allons inspirer. Comme nous allons inspirer, l'abdomen va s'élever. À cause de ça, apparaît l'esprit qui note. Et comme nous notons, nous connaissons. Il va pas apparaître la connaissance. Quand il y a le soulèvement, apparaît la connaissance qui fait la différence, qui fait la distinction entre l'esprit et la matière. Donc, si nous continuons de noter, à ce moment-là, nous allons voir le lien entre la cause et l'effet pendant le soulèvement, et la même chose pour l'abaissement. Donc nous devons observer les caractéristiques naturelles essentielles. Quand la concentration est forte, et si on continue la pratique, nous allons discerner la matière et l'esprit. Et cette connaissance, quand cette connaissance qui discerne l'esprit et la matière, cette connaissance va reconnaître l'esprit et la matière comme la cause et l'effet. Et donc, cette conscience va reconnaître la relation causale. Puissiez-vous développer la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, développer la connaissance étape par étape jusqu'à la libération. Sadhu, sadhu, sadhu. So may you all be able to develop the powers, the mental powers that are needed to see things as they really are. And from the basics, develop knowledge stage by stage until realizing liberation. Sadhu, sadhu, sadhu.